La maison de George Monroe s'élevait à l'orée de Purgatory, là où le tissu urbain se défaisait, pour céder la place aux champs de maïs et à la forêt. Fran, qui s'était préparé à découvrir une bicoque de trappeurs ratatinés, faillit lâcher une exclamation de surprise en voyant se dresser au bout de la route la grande masure à 3 étages noircie par les ans. Le tombeau d'un pharaon, songea-t-elle aussitôt, sans savoir d'où lui venait cette comparaison. Elle n'était pas loin de la vérité. Les ronces du jardin enveloppaient la demeure, tels des rouleaux de barbelés jetés en vrac pour décourager d'éventuels visiteurs. Les rondins de bois constituant les parois avaient noirci au point de paraître trempés dans le goudron. Toute la maison était d'un noir funèbre, de fortin 1000 fois assiégé. « Va falloir faire attention, » grommela son père. « C'est sûrement plein de bêtes. Des blaireaux, des fouines, des belettes. Cette racaille a dû faire son nid là-dedans. J'ai apporté ce qu'il faut pour la déloger. Tu vas m'aider à décharger. » Dans les minutes qui suivirent, Fran prit conscience que George Monroe avait effectivement tout prévu. L'arrière du break familial était encombré de seaux, de clous, de marteaux, mais aussi de fumigènes anti-nuisibles et d'appâts empoisonnés. « Je vais t'expliquer le programme, » annonça le père d'un ton sans appel. « Tu vas remettre cette baraque en état, toute seule. Je t'indiquerai ce que tu dois faire et je te surveillerai. Je te donnerai des notes. Tant que tu resteras en dessous de la moyenne, nous resterons ici. Quand tu repartiras, tu auras peut-être des mains de charpentier, mais je t'aurai redonné le sens des vraies valeurs. » Franz garda de tout commentaire. Curieusement, la maison l'attirait. « On dirait un château hanté, » se dit-elle. « Un trappeur fou aurait pu habiter là. Un type qui se serait mis dans la tête d'écorcher vive les squaws et de boucaner leur viande. » Le déchargement leur demanda pas mal de temps. Ensuite, il fallut procéder aux manœuvres de désinfection qui consistaient à allumer les fumigènes et à s'enfuir. « Faut que ça agisse 2 heures, » fit son père en regagnant la voiture. « C'est du premier choix. On utilise ça dans les usines et les entrepôts. Les ratons laveurs ne devraient pas tarder à ficher le camp ventre à terre. Depuis combien de temps tu n'étais pas venue ici sans qu'il adolescente ?» Le père parut gêné par la question, il détourna la tête. « 25 ans, » lâcha-t-il enfin, les yeux tournés vers la ligne d'horizon, au-delà des champs de maïs. « Je suis parti pour l'armée, j'ai appris le métier de magasinier et puis... » Il ne continua pas. « Ça doit te faire drôle, non ?» insista Fran. « Moi, il me semble que... » « Sensiblerie de bonne femme, » grogna l'homme. « Le passé, c'est le passé. Ne t'attends pas à me voir pleurnicher en retrouvant mes anciens jouets. » « On va brûler tout ça, oui, et sans tarder. » Quand le délai de sécurité fut écoulé, le père et la fille franchirent prudemment le seuil de la demeure. Il fallut déclouer les volets pour aérer. Franny découvrit qu'une fois la poussière balayée, les lieux seraient aisément habitables. « C'est curieux, pensa-t-elle, qu'en 25 ans, personne ne se soit introduit ici. C'était l'endroit parfait pour les rencontres d'ados. « Tu te trompes !» siffla la voix bourdonnante de sa sœur. « C'est un lieu affreux, plein de mauvaises vibrations. » Il faut vraiment avoir du pudding dans la tête pour ne pas s'en rendre compte. À côté de cette ruine, le château de Dracula aurait l'air d'une auberge de jeunesse. Rien ne te plaît jamais, riposta mentalement Franny. C'est une vieille maison, c'est tout. Une fois astiquée, ça pourrait devenir très sympa. Pauvre moule, gronda la passagère clandestine. Tu ne sens donc pas combien c'est chargé de tristesse, de haine et de malheur? Il y avait des réunions nocturnes ici. Des réunions où de mauvais hommes s'excitaient en buvant de la bière et en tripotant des armes. Ça empeste encore la graisse à fusil et la sueur des types mal lavés. Franny haussa les épaules. Les pièces succédaient aux pièces. Des housses recouvraient les meubles. À part quelques fauteuils rongés par les souris, tout était encore utilisable. La jeune fille aurait voulu prendre le temps de la découverte, avancer pas à pas et examiner chaque objet abandonné, comme l'aurait fait un archéologue foulant pour la première fois le sol d'une tombe égyptienne. Mais son père, la précédant, s'empressait de jeter tout ce qui traînait au fond d'un gigantesque sac poubelle. « Des saloperies » grogna-t-il, « rien que des saloperies ». Il semblait tout à coup, habité par la rage, de faire place nette. L'exploration des diverses pièces et remises leur mangea la journée. Au premier étage, les chambres avaient souffert du passage des rongeurs, et ils eurent du mal à rassembler une literie à peu près utilisable. Fran trouvait cette agitation plaisante. Contrairement à ce que semblait croire son père, elle n'avait jamais eu peur du travail manuel. Elle comprit qu'il se faisait d'elle une image fausse, bâtie à coups de séries télévisées et de magazines féminins aux scoops provocateurs. Dans le garage, elle dénicha un vélo rouillé qu'elle se jura de remettre en état dès le lendemain. Le soir venu, le père et la fille improvisèrent un dîner de sandwich et montèrent se coucher. À peine était-elle endormie que la jeune fille fut visitée par un cauchemar des plus étranges. Elle rampait sur le sol pour fuir un incendie et ses vêtements brûlaient sur sa peau, lui causant d'affreuses douleurs. « C'est normal, pensa-t-elle, je suis une sorcière. » Elle savait qu'elle ne mourrait pas, car un maléfice la protégeait du feu, en partie du moins. Quand elle se redressait enfin, elle était nue, mais son ventre, sa poitrine, ses cuisses se révélaient couverts de brûlures atroces. « Tu vas survivre parce que tu as absorbé la chaleur du feu, » lui murmurait une voix mystérieuse. « Mais prends garde. » Cette chaleur sera toujours en toi désormais. Elle alimentera ta colère, et chaque fois que tu perdras ton sang-froid, elle brûlera les vêtements dont tu seras vêtu. C'était un rêve vraiment curieux, et dans la confusion du demi-sommeil, Fran eut l'impression qu'une odeur de roussi flottait autour d'elle. Ce sont mes draps, songea-t-elle. Je suis en train d'y mettre le feu. La chaleur est sortie de mon corps pendant que j'étais inconsciente. Elle se réveilla en sursaut, mais sa literie était intacte. Il s'agissait bien d'un rêve. Toutefois, son trouble était si grand qu'elle éprouva le besoin de soulever sa chemise de nuit pour vérifier qu'aucune cicatrice rétractile ne marquait sa chair. Elle se rappela alors l'histoire racontée par son père au cours du trajet en voiture. « Les femmes rebelles, murmura-t-elle, celles qui ont préféré brûler, plutôt que de devenir de bonnes ménagères. » Le cauchemar s'était alimenté de ce récit et des images engrangées lors de sa visite au musée municipal. Elle se rallongea. L'odeur de drap brûlé continuait à titiller ses narines. Elle avait l'impression d'être aussi chaude qu'un fer à repasser réglé sur la position lin. Malgré elle, elle se sentit obligée de tâter les couvertures pour s'assurer qu'elle ne s'enflammait pas au contact de son ventre. À l'aube, la migraine la réveilla. Sa sœur menait le branle-bas dans sa tête. « Pas question que je reste une minute de plus dans cette baraque, » hurla-t-elle. « J'en ai assez d'être enfermée. J'ai pris une décision. Je vais me mettre à grandir. »« Ce n'est pas possible, » bredouilla Fran. « Si tu fais ça, ça va me tuer. » Mon crâne ne sera pas assez grand pour te contenir tout entière. Justement, martela la passagère clandestine, j'en ai assez d'être enfermée, de mener une existence de recluse. Je veux voir le monde. Ta tête est trop petite. J'y étouffe. Je n'arrête pas de me cogner à ta boîte crânienne. C'est pire qu'un grenier ici. Un grenier minuscule. Je n'ai pas assez de place. Ta cervelle bouffe tout l'espace. Je ne peux pas la réduire davantage, gémit Franny. Si je le fais, je vais devenir encore plus idiote. Pas la peine, grogna sa sœur. De toute manière, ce sera encore trop exigu à mon goût. Non, c'est décidé, je vais grandir. Ne t'étonne donc pas si, dans les semaines qui viennent, tes migraines augmentent. Ce sera moi qui pousserai sur les os de ta tête, comme un poussin qui grossit à l'intérieur d'un œuf. Quand ta tête sera devenue trop petite pour ma taille, elle explosera, et j'en sortirai. J'espère que tu n'auras pas trop mal. Enfin, c'est la vie, n'est-ce pas? Tu ne t'imaginais tout de même pas que j'allais passer toute mon existence dans un recoin de ta cervelle, comme une souris qu'on tolère au fond d'un grenier. Tu vas me tuer, sanglota Franny. Tu t'en fiches? Oui, je m'ennuie avec toi. Tu n'es pas une fille intéressante. Tu manques d'intelligence, discuter avec toi n'a aucun intérêt. Ne pleurniche pas, je ne reviendrai pas en arrière. Va donc t'acheter 3 kilos d'aspirine et prépare-toi à vivre tes derniers jours. Sur ces derniers mots, la voix s'éteignit, laissant Fran désemparée. La journée fut si chargée en travaux divers que l'adolescente n'eut pas le loisir de ressasser ses inquiétudes. Son père exigea qu'elle entasse un grand nombre de vieilleries au centre du jardin et y mette le feu. Il s'était installé dans un fauteuil de paille et l'observait, tel le juré d'une compétition sportive. De temps à autre, il inscrivait une note dans un petit carnet ouvert sur ses genoux et qu'il désignait sous l'appellation de « cahier de contrôle ». Aux prises avec les ronces, Franny parvint presque à oublier sa présence. Il faut dire que depuis un moment, elle avait remarqué une étrange bicoque de l'autre côté de la route. « On dirait un champignon géant, se dit-elle, ou un navet colossal qu'on aurait évidé pour le transformer en HLM pour lutin. » Cette impression provenait de l'aspect grossier des murs en torchis. Il s'agissait d'une cabane de pauvres, maçonnée à la hâte, avec des éléments de récupération. Malgré tout, on avait réussi à lui donner l'apparence d'une ferme bossue, bancale. Qui habitait là? Car la baraque biscordue n'était pas à l'abandon, comme en témoignait la fumée sortant de la cheminée. Cette interrogation nourrit la curiosité de Fran la matinée durant. Eddie Colson fit une apparition. Il portait une invraisemblable chemise jaune et une casquette de golfeur qui avait dû servir de jouet à son chien car la visière en était mâchouillée. Il lança des plaisanteries qui tombèrent à plat et s'isola un moment avec George Monroe. Fran surprit des bribes de phrases qui disaient « Mauvaise idée de revenir ici. Plus de place pour des gens comme nous. Tu as refait ta vie, alors pourquoi ?» Comme la discussion semblait s'envenimer, Colson battit en retraite et vint faire ses adieux à l'adolescente. « Ton père, soupira-t-il. Il n'a pas changé, hein ? Toujours verrouillé à double tour. Un vrai sergent instructeur. Pourtant, ça lui a joué des tours dans le passé. Il s'en est sorti de justesse. Je ne comprends pas pourquoi il cherche à tenter le diable. » Il hocha la tête et ne sachant que faire de ses grosses mains sillonnées de veines, les enfouit dans ses poches. « Qui habite en face ?» demanda la jeune fille. « Dans la maison tordue. » Colson s'ébroua. « Oh, personne » marmonna-t-il. « Ou plutôt si, une vieille, une ancienne fille de ferme. On la surnomme la mère Shazam. On raconte qu'elle est sorcière, mais je pense que c'est de la blague. Un truc de la municipalité pour appâter les touristes. Elle n'est pas très causante. Elle ne part guère qu'à ses poules et à ses lapins. Ne t'occupe pas d'elle, et elle ne s'occupera pas de toi. C'est la meilleure conduite à observer avec ce genre d'énergumène. » Rajustant sa casquette, il prit congé et remonta dans sa jeep rouillée. Fran resta songeuse. La mère Shazam? Il s'agissait donc de cette vieille femme au regard de lézard qu'ils avaient croisée en entrant à Purgatory? La coïncidence était intéressante. 3 jours passèrent, rythmés par le train-train des travaux de réfection. Franny avait toutefois vu sa belle ardeur des débuts minée par les effets des migraines à répétition qui l'assaillaient dès l'aube. Souvent, quand elle se trouvait occupée dans les étages à balayer les chambres, elle s'approchait d'une fenêtre pour observer la bicoque biscornue. À plusieurs reprises, elle avait surpris la vieille femme vaquant à ses occupations domestiques. Une fois même, leurs regards s'étaient croisés. Celui de la Shazam était resté minéral. On eût dit qu'il traversait le corps sans consistance de Franny Monroe pour s'en aller scruter quelque chose à l'autre bout de l'espace. Un scarabée mort, peut-être. Une bestiole écrasée à la surface de Pluton. ou plus loin encore. Harcelé par les récriminations de sa sœur, Fran passa une mauvaise nuit. En dépit de ses supplications, la passagère clandestine s'obstina à lui expédier des coups de pied dans les os du crâne. À plusieurs reprises, l'adolescente crut entendre craquer ses sutures pariétales. Si elle avait disposé d'un casque de footballeur, elle s'en serait coiffée. Lorsque l'aube se leva, elle passa doucement les doigts dans ses cheveux, terrifiée à l'idée d'y découvrir le tracé sinueux d'une fêlure. Après tout, sa sœur ne lui avait-elle pas affirmé qu'elle jaillirait de sa tête comme un poussin de son œuf? Le déjeuner expédié, son père lui ordonna de se rendre au ravitaillement. Il ne comptait pas l'aider avec la voiture, puisqu'elle disposait d'un vélo. Elle n'aurait qu'à faire plusieurs fois l'aller et retour jusqu'à ce que les placards soient regarnis. Cet exercice physique la purgerait de ses mauvaises pensées. Franny ne protesta pas. Elle avait dans l'idée de se rendre au musée folklorique car elle avait rêvé que la mandragore s'échappait de son bocal au cours de la nuit. L'horrible petit légume, après avoir traversé la campagne, se faufilait dans sa bouche pendant qu'elle dormait et, après avoir rampé au long de son œsophage, s'installait comme un coq en pâte dans son estomac. Ce cauchemar l'avait fait se dresser dans son lit, le cœur battant la chamade. Depuis, elle ne pouvait sauter de la tête qu'il s'agissait peut-être d'un rêve prémonitoire. Elle se rendit donc à Purgatory, abandonna son vélo devant l'épicerie et visita une deuxième fois la grange dans laquelle avait été installé le Halloween Center. Là, elle put vérifier que la mandragore se trouvait toujours à sa place. Qui plus est, elle n'avait pas du tout le visage de son père. Ce n'était qu'une stupide racine vaguement anthropomorphe. Où suis-je allée pêcher une telle idée ? Se demanda-t-elle en quittant l'exposition de mauvaise humeur. Tom, le guide, la regarda s'éloigner d'un air moqueur. Le soir, elle avait si mal à la tête qu'elle dut se forcer à manger. Pour gagner du temps entre chaque bouchée, elle parlait du musée. George resta sans réaction jusqu'au moment où elle évoqua le kilt. Le kilt des sorcières. Qu'est-ce que ce truc fait dans le musée de la ville, aboya-t-il. Ces femmes n'étaient qu'un ramassis d'avorteuses. Elles brûlaient les fœtus. Ce feu maudit s'est retourné contre elles et les a punies. Ce n'était que justice. Herboriste, on aura tout entendu. Je vais écrire au maire pour me plaindre. Et toi, bien sûr, tu crois tout ce qu'on te raconte. Quelle gourde! Peu soucieuse de prolonger la conversation, Fran fit la vaisselle s'entraîner. Elle monta ensuite dans sa chambre et s'assit sur le lit, n'osant allumer la lumière. Elle resta immobile, incapable d'évaluer l'écoulement du temps. 30 secondes, 1 heure, cela lui arrivait de plus en plus souvent. Au début, elle s'était amusée de ses absences. Aujourd'hui, elle soupçonnait sa sœur d'actionner un interrupteur à l'intérieur de sa tête pour lui faire perdre conscience. « Pourquoi restes-tu dans le noir ?» fit soudain la voix de son père depuis le rez-de-chaussée. La question la fit sursauter, son cœur s'emballa. La rêverie subitement interrompue laissa son esprit paralysé. Elle entendit gémir les marches de l'escalier. « Je suis déjà couchée, bredouilla-t-elle. Je m'endormais. » Le grincement cessa. Il redescendait. À tâtons, elle attrapa sa chemise de nuit mais n'osa se dévêtir. Finalement, elle se glissa tout habillée entre les draps. Elle ne bougeait pas, attentive au moindre bruit. Elle s'endormit sans même s'en rendre compte. Les cauchemars envahirent aussitôt sa cervelle, comme s'ils avaient attendu ce moment, embusqués sur le seuil, tels des petits prédateurs affamés. Ils se bousculaient dans sa tête, chacun voulant prendre le contrôle du jeu. Elle rêva. Elle se trouvait dans sa chambre devant l'armoire à glace à l'heure du coucher. Elle n'avait pas allumé, mais curieusement, et bien que les rideaux soient tirés, la pièce n'était pas plongée dans l'obscurité. Franny était nue, tenant son pyjama à la main. elle regardait son corps dans le miroir. Soudain, mue par une subite impulsion, elle se précipitait sur la poignée de l'armoire et l'ouvrait. À l'intérieur du meuble, son père, debout, lui souriait. Il tenait son carnet de contrôle à la main. « J'ai fait poser une glace sans teint pendant ton absence, » ricanait-il. « Astucieux, n'est-ce pas ? Il est capital qu'on te surveille en permanence. C'est pour ton bien. Quand je serai au travail, le pasteur prendra ma place. » Franz se réveilla en sueur. Sachant qu'elle ne retrouverait pas le sommeil, elle se leva et ouvrit la fenêtre. Il faisait froid. Son corps se couvrit de frissons, sa peau se fit grenue. Plus bas, un rayon de lune éclairait la ferme d'en face, la bicoque tordue de la mère Shazam. Victime d'une inexplicable hypnose, l'adolescente scruta longuement la nuit, s'attendant à voir le chat se changer en monstre. Mais le félin se contentait très banalement de gambader dans le jardin de sa maîtresse. De temps à autre, il s'approchait de la grille, passait la tête entre les barreaux, puis repartait. Sur un fil à linge, une robe pendait, oubliée. Si je n'étais pas là, ce chiffon s'animerait et inviterait la vieille à danser, songea Franny. Mon regard les a paralysés. Maintenant, ils se méfient. Ils attendent que je retourne dormir pour reprendre leur manigance. Déçue, elle alla se coucher, laissant la fenêtre ouverte dans l'espoir de surprendre le prochain sabbat. Elle se réveilla quelques heures plus tard, transie. En hâte, elle repoussa la vitre. Le jour était levé. Elle jeta un bref coup d'œil dans la cour de la ferme et sursauta. La vieille femme habillée de noir était déjà debout. Que faisait-elle si tôt ? La paysanne trottina et sortit du champ de vision de Franny. L'adolescente n'osa se pencher davantage à la fenêtre pour espionner les allées et venues de la voisine, car la bonne femme ne semblait guère commode. Franny tira les rideaux et retourna se blottir au creux de ses draps pour retrouver la chaleur du lit. Elle mit toutefois un certain temps avant de se rendormir. L'image de la mère Shazam flottait sur sa rétine, refusant de s'effacer. Elle semblait dire « Il faudra t'y habituer. Je suis indélébile. Rien ne m'effacera jamais. Je serai toujours là, tatouée à l'intérieur de tes paupières. »